Les 22e compétitions sportives des fonctionnaires des établissements centraux pour le prix Pectosan viennent d'être clôturées le 14 courant. À la cérémonie de clôture tenue au gymnase de basketball de la cité Chongchun à Pyongyang, on prit part le vice-premier ministre Roh Do-chol, vice-président du comité de la direction nationale des sports et président du comité de la planification nationale, des fonctionnaires et joueurs des secteurs intéressés, ministères et établissements centraux. Les meilleures équipes et joueurs ont été primés.